c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud comme ça, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud comme ça, c'est. Garage sound. C'est chaud, c'est.